من سورة الأنعام من قوله قل تعالوا إلى قوله في خاتم الآية الثالثة ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. تعالوا c'est-à-dire هلموا وأقبلوا c'est-à-dire venez approcher. Que je vous lis, c'est-à-dire que je vous raconte et que je vous informe. Ce qu'Allah vous a interdit. Harama et le haram, c'est ce qui est interdit. Et les fuqaha définissent le haram en disant que c'est ce qui mérite un châtiment, c'est-à-dire que celui qui le fait a un châtiment et celui qui le délaisse a une récompense. C'est ça la définition du haram chez les fuqaha. Le haram, c'est la chose, lorsque tu l'as fait, tu mérites le châtiment, et lorsque tu la délaisses, eh bien, tu as une récompense. Donc, ceux qui s'abstiennent de faire du haram, le fait de s'abstenir de faire du haram, eh bien, dans cette abstention, tu as des récompenses. Al-Ayat, lorsqu'il a dit et les versets, c'est-à-dire jusqu'à la fin des trois versets de Sourate Al-An'am, depuis la parole d'Allah Azza wa Jal dit, c'est-à-dire dit au Muhammad, venez, jusqu'à la fin du troisième verset, où Allah Azza wa Jal dit, voilà ce qu'il vous enjoint, ainsi seriez-vous des pieux. Ainsi atteindrez-vous la piété. Al-Ma'na al-Ijmali lil-Ayah. يأمر الله نبيه أن يقول لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله وحرموا ما رزقهم الله وقتلوا أولادهم تقربا للأصنام فعلوا ذلك بآرائهم وتسويل الشيطان لهم هلموا أقص عليكم ما حرم خالقكم ومالككم تحريما حقا لا ترخصا وظنا بل بوحي منه وأمر من عنده وذلك فيما وصاكم به في هذه الوصايا العشر التي هي. Donc le sens général de ce verset. Allah Azza wa Jal dans ce verset ordonne à son envoyé sallallahu alayhi wa sallam de dire aux polythéistes qui ont adoré avec Allah autre que lui subhanahu wa ta'ala et qui se sont interdits ce qu'Allah Azza wa Jal leur a donné comme pourvoyance. Et qui tuaient leurs enfants pour se rapprocher de leur statut. Ils ont fait cela en suivant leur avis personnel ou en suivant les tentations du diable. Donc ici, Allah Azza wa Jal ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire à ces mouchriquins, venez, que je vous raconte et que je vous informe de ce que véritablement votre Seigneur vous a interdit de faire. Et non pas, et ceci de façon certaine, c'est-à-dire que ce que je vais vous informer de choses interdites, ce sont des choses qui sont formellement interdites, il n'y a pas de doute dans cela, ce ne sont ni des estimations, ni des suppositions, mais ce sont bel et bien, ou c'est bel et bien une révélation de la part d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et un commandement émanant de lui, Azza wa Jal. Wadhalika, et ceci dans ce que Allah Azza wa Jal recommande parmi les 10 recommandations présentes dans ces 3 versets de Sourate Al-An'am, versets 151 à 153. Il y a dans ces 3 versets 10 recommandations de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces recommandations sont celles qui suivent. أولا وصاكم ألا تشركوا به شيئا وهذا نهي عن الشرك عموما فشمل كل مشرك به من أنواع المعبودات من دون الله وكل مشرك فيه من أنواع العبادة. La première recommandation, il vous recommande, et lorsque l'on dit recommande, ce n'est pas dans le sens de si vous le faites et vous faites ce que vous voulez, non, c'est une obligation, c'est un ordre, un commandement. Il vous ordonne et vous recommande de ne rien lui associer. Et ceci est une interdiction du polythéisme de façon générale. Et cela englobe tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, comme idole et toutes sortes d'adorations. Toutes sortes d'adorations. Tu n'as pas le droit d'adorer autre qu'Allah et tu n'as pas le droit de vouer quelconque adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. ثانياً ووصاكم أن تحسنوا بالوالدين إحساناً ببرهما وحفظهما وصيانتهما وطاعتهما في غير معصية الله وترك الترفع عليهما. Deuxième recommandation est d'être bienfaisant envers les parents, d'être bon envers eux, de les protéger, de leur obéir dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ne pas leur obéir lorsqu'ils ordonnent de désobéir à Allah azza wa jal et de délaisser et de ne pas s'enorgueillir et d'être hautain vis-à-vis d'eux. Thalithan, ووصاكم ألا تقتلوا أولادكم من إملاق أي لا تأيدوا بناتكم ولا تقتلوا أبناءكم خشية الفقر فإني رازقكم ورازقهم فلستم ترزقونهم بل وأن بل ولا ترزقون أنفسكم. La troisième recommandation. Donc la première, قل تعالى وأتل ما حرم عليكم ربكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. Et la troisième recommandation, et il vous recommande de ne pas tuer vos enfants par peur de pauvreté. C'est-à-dire de ne pas enterrer vivantes vos filles et de ne pas tuer vos enfants en redoutant la pauvreté. Car c'est moi, dit Allah Azza wa Jal, car c'est moi qui leur donne la pourvoyance ainsi qu'à vous. Et vous, vous n'êtes pas ceux qui leur donnent leur pourvoyance. Vous n'êtes même pas, vous ne donnez même pas la pourvoyance à vous-même. Qui donne la pourvoyance aux parents? Allah Azza wa Jal. C'est lui qui donne la pourvoyance aux parents et aux enfants. Pourquoi alors les parents tueraient-ils leurs enfants de peur de la pauvreté, alors que leur pourvoyeur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Rabi'an. ووصاكم ألا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن أي المعاصي الظاهرة والخفية. La quatrième recommandation, et il vous recommande de ne pas approcher les turpitudes, celles qui sont apparentes comme celles qui sont cachées, c'est-à-dire les péchés, les actes par lesquels les personnes désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala. خامسا ووصاكم ألا تقتلوا النفس التي حرم الله قتلها وهي النفس المؤمنة والمعاهدة إلا بالحق الذي يبيح قتلها من قصاص أو زنا بعد إحصان أو ردة بعد إسلام. Cinquièmement, la cinquième recommandation, il vous recommande de ne pas tuer une âme qu'Allah a interdit de tuer. Quelles sont ces âmes qu'il est interdit de tuer? C'est l'âme croyante et l'âme avec qui il y a un pacte entre les musulmans. C'est-à-dire une personne qui n'est pas musulmane, mais qui est sous la protection des musulmans et qui a eu l'engagement et l'accord de l'État musulman pour que ce non-musulman vive en sécurité et en paix dans ce pays musulman, sauf dans la vérité. C'est-à-dire qu'il est autorisé de tuer une âme musulmane et une âme avec qui il y a un pacte, sauf dans la vérité. Quelle est cette vérité? Min qisas, lorsque la loi du talion doit être appliquée. Al-qatlu bil-qatl. Parmi la loi du talion, il y a l'âme par l'âme. Ou zinan ba'da ihsan, ou de commettre la fornication après être muhsan. Qu'est-ce qu'une personne muhsana? c'est une personne qui est mariée ou qui a déjà été mariée. Une personne mariée ou qui a déjà été mariée, qui commet la fornication, eh bien, en islam, c'est la peine de mort qui est appliquée sur elle. Aw riddatin ba'da islam. Ou bien, d'apostasier après avoir été musulman. Car le prophète a dit, man baddala dinahu faqtulou. Celui qui change sa religion, tuez-le. Et al-nafs al-mu'ahada, celle avec qui il y a un pacte, Allah Azza wa Jal, ou le prophète sallam, a interdit de tuer une âme protégée. Il dit alayhi sallam, man qatala mu'ahadan lam yarih ra'ihat al-jannah. Celui qui tue un mu'ahad, un non-musulman qui est sous la protection, qui a eu l'engagement de l'État musulman pour qu'il puisse vivre en paix et en sécurité, celui qui le tue ne sentira pas l'odeur du paradis. سادسا ووصاكم ألا تقربوا مال اليتيم وهو الطفل الذي مات أبوه إلا بالتي هي أحسن من تصريفه بما يحفظه وينميه له حتى تدفعوه إليه حين يبلغ أشده أي الرشد وزوال السفه مع البلوغ. Sixièmement, il vous enjoint et il vous recommande de ne pas approcher l'argent de l'orphelin. Qu'est-ce que l'orphelin ? C'est l'enfant dont le père est décédé. L'enfant dont le père est décédé. Et quand on dit l'enfant, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore atteint l'âge de la puberté. Donc un enfant, que ce soit un garçon ou une fille, dont le père uniquement est mort, et qui n'a pas atteint l'âge de la puberté, est considéré comme un orphelin en islam. Il est interdit d'approcher les biens et l'argent de l'orphelin, sauf de la meilleure des façons. En utilisant cet argent et ces biens dans le but de les protéger et de les préserver, ou bien dans le but de le fructifier, dans le but de le fructifier, afin que ses biens et cet argent leur soient remis à cet orphelin, lorsqu'il aura atteint l'âge de la puberté, qui est, حتى يبلغ أشده, c'est-à-dire, lorsqu'il a atteint l'âge de la puberté, et lorsque, il est responsable. Car les enfants, yani, sont irresponsables. Ils ne sont pas responsables de leur acte, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et lorsque As-Safah, qui est l'irresponsabilité, est ôté des enfants et qu'ils commencent à réfléchir et à raisonner et à savoir ce qu'ils font et à savoir ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, là, avec l'atteinte de l'âge de la puberté, dans ce cas, l'argent et le bien doivent être remis à cet orphelin, car il pourra en faire un bon usage. Il pourra en faire un bon usage. Il est donc autorisé d'utiliser le bien de l'orphelin dans le but de le protéger, ou même, comme je l'ai dit, de le fructifier. Même s'il y a un risque derrière. La personne qui utilise l'argent des orphelins pour que cet argent grandisse et qu'il devienne plus important, eh bien, il va l'investir dans un projet, par exemple, où il y a un risque. C'est un risque qui est pris en compte, et si jamais cette affaire ne marche pas, eh bien, celui qui utilise cet argent n'aura pas de reproche à lui faire, à partir du moment où il n'a commis aucun manquement. سابعا وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها أي أقيموا العدل في الأخذ والإعطاء حسب استطاعتكم. Septièmement, الله عز وجل dit et donnez la juste mesure et le bon poids en toute justice. C'est-à-dire, soyez juste lorsque vous prenez et lorsque vous donnez, ceci selon vos possibilités. Saminan, وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى أمر بالعدل في القول على القريب والبعيد بعد الأمر بالعدل في الفعل. Et lorsque vous parlez, soyez juste même envers un proche parent. Ici, Cheikh Fawzan, hafidahullah, dit, Allah Azza wa Jalla ordonne d'être juste dans la parole que tu diriges envers un proche. C'est-à-dire que tu dois dire la vérité, quelle que soit la personne que tu as en face, même si c'est une personne qui t'est proche. La vérité ne connaît pas de lien de parenté ni autre. La vérité se dit quelle que soit la personne. Et ici, Allah Azza wa Jalla a parlé de la justice dans la parole et l'équité dans la parole, après avoir cité l'équité et la justice dans les actes. Or, ce qu'il a dit, Azza wa Jal, وَأَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِزَانَ بِالْقِسْطِ تَاسِعًا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَيْ وَصِيَّتَهُ الَّتِي وَصَّاكُمْ بِهَا أَوْفُوا أَيْ إِنْ قَادُوا لِذَلِكَ بِأَنْ تُطِيعُوهُ فِي مَا أَمَرَ بِهِ وَنَهَى عَنْهُ وَتَعْمَلُوا بِكِتَابِهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Neuvièmement, et remplissez votre engagement envers Allah. Et remplissez votre engagement. C'est-à-dire ce qu'il nous a recommandé, Azza wa Jal, dans les recommandations précédentes. Remplissez votre engagement envers Allah, c'est-à-dire soumettez-vous à son ordre et obéissez-lui dans ce qu'il vous a ordonné de faire et dans ce qu'il vous a interdit de faire, et mettez en pratique son livre et la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et ainsi, le musulman, eh bien, remplit son engagement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. عاشراً أن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله أي الذي أوصيتكم به في هاتين الآيتين من ترك المنهيات وأعظمها الشرك وفعل الواجبات وأعظمها التوحيد هو الصراط المستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل البدع والشبهات فتفرق بكم عن سبيله تميلوا وتتشتت بكم عن دينه. Dixièmement, et ceci est ma voie droite, suivez-la et ne suivez pas les autres voies, car elles vous disperseront de son chemin. C'est-à-dire ce que je vous ai ordonné de faire dans les deux versets précédents, le verset 151 et 152. Dans ce que je vous ai recommandé de faire dans les deux versets précédents, comme interdit à délaisser, et le plus grand des interdits qu'Allah Azza wa Jalla a cité dans les versets précédents, c'est le shirk. Et de faire les obligations. Et la plus grande obligation qu'Allah Azza wa Jal, ou dont Allah Azza wa Jal a fait allusion dans les versets précédents, c'est le tawhid. Et comme j'ai dit, dont Allah Azza wa Jal a fait allusion, car Allah ne l'a pas cité explicitement. قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Si Allah Azza wa Jalla nous interdit de faire le shirk, c'est qu'il nous ordonne de mettre en pratique le tawhid. Et que c'est ceci la voie droite. C'est ceci le chemin droit. فَاتَّبِعُوا, suivez-le et ne suivez pas les autres voies, c'est-à-dire les innovations et les ambiguïtés. C'est-à-dire les innovations et les ambiguïtés. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. car cela vous écartera de sa voie, de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle vous écartera et vous dispersera dans votre religion. Munasabatul ayat lilbab. Le contexte de ces versets dans le chapitre actuel. An Allah subhanahu wa ta'ala dhakara fiha jumalan min al muharramat ibtada'aha bin nahy 'an ash-shirk wal nahy 'anhu yastad'i al amr bit tawhid bil iqtida. Fadalla dhalik على أن التوحيد أوجب الواجبات وأن الشرك أعظم المحرمات. Pourquoi ces versets ont été cités dans ce chapitre? Car Allah subhanahu wa ta'ala a cité dans ces versets une panoplie de choses interdites, dont la première est l'interdiction du shirk. Et l'interdiction du shirk, de façon logique, implique l'ordre d'appliquer le tawhid. Ceci prouve que le tawhid est la plus obligatoire des obligations et que le shirk est la plus immense des interdictions. Que le shirk est la plus immense des interdictions. Et Allah Azza wa Jal a cité le shirk avant uquq al-walidayn, avant le fait d'être mauvais envers ses parents, et il l'a cité également avant de tuer ses propres enfants. Et à notre époque, le fait de dire qu'un tel a tué ses enfants parce qu'il avait peur de la pauvreté ou autre, c'est quelque chose que les gens trouveront immense et gravissime. Alors que si on leur disait qu'un tel a fait une invocation pour autre qu'Allah, ou un tel a engorgé telle ou telle bête pour autre qu'Allah, eh bien, cela ne leur ferait pas le même effet, alors que ce deuxième a fait bien plus pire et bien plus ignoble que celui qui a tué ses propres enfants, wa l'ayyadu billah. Ma yustafadu min al-ayat, ce que l'on retient des versets. Awalan, anna shirka a'zamu al-muharramat, wa anna al-tawhida a'zamu al-wajibat. Premièrement, que le shirk est la plus immense des interdictions et que le tawhid est la plus prononcée des obligations. Et alhamdoulilah, les gens de la sunnah ne se lassent jamais de dire que le shirk c'est le pire des péchés et que le tawhid c'est, comme je l'ai dit, la plus prononcée des obligations. Les gens de la sunnah ne se lassent jamais de le dire, car ainsi était la voie, comme on l'a vu la semaine dernière, des prophètes et envoyés d'Allah, alayhim salam. Thaniyan, izamu haqqil walidayn. Deuxièmement, on retient de ces versets l'immense droit qu'ont les parents envers leurs enfants. Thalithan, tahrimu qatli nafsi bighayri haqq, la siyama idha kana al-maqtoul min dhawi al-qurba. Troisièmement, l'interdiction de tuer une âme dans bighayri haqq, sans que cela ne soit justifié. Et cette interdiction est plus prononcée lorsque la victime fait partie des proches parents. Rabi'an, tahrimu akli al-mal al-yatim wa mashru'iyyat al-'amal 'ala islahih. Quatrièmement, on retient de ces versets l'interdiction de consommer l'argent des orphelins et qu'il est légiféré d'œuvrer dans ce qui permet de préserver ou de fructifier l'argent des orphelins. Khamisan, wujub al-'adl fi al-aqwal wa al-af'al 'ala al-qarib wa al-ba'id. Cinquièmement, l'obligation d'être équitable et juste dans les paroles et dans les actes, envers le proche comme envers le lointain. Sadisan, wujub al-wafa' bil-'ahd, l'obligation de tenir ses engagements. Sabi'an, wujub al-tiba'i din al-islam wa tarki ma 'adah, l'obligation de suivre la religion musulmane et de délaisser toute autre religion. Thaminan, anna at-tahlil wa at-tahrim haqqun lillah. Que le fait de rendre licite et illicite, c'est un droit qui appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. La preuve est le début du verset, قُلْ تَعَالَوْ أَتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ. Venez, que je vous raconte ou que je vous informe de ce que votre Seigneur a interdit. Ainsi, le tahlil et le tahrim, de rendre licite et de rendre illicite, est un droit qui appartient à Allah seul, subhanahu wa ta'ala. ثم قال المؤلف رحمه الله قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. Puis, l'imam Muhammad ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, dit, et Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah l'agré, a dit, celui qui veut regarder et celui qui veut prendre connaissance du testament de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il y est apposé son sceau, qu'il lise la parole d'Allah azza wa jal, dit, venez que je vous informe de ce que votre Seigneur vous a interdit, jusqu'à la parole d'Allah Azza wa Jal, et voici mon chemin droit, suivez-le. قال الشيخ الفوزان حفظه الله ابن مسعود وهو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن الهذلي بن حبيب بن الهذلي صحابي جليل من السابقين الأولين من كبار علماء الصحابة لازم النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي سنة 32 من الهجرة. وصية هي الأمر المؤكد المقرر خاتمه الخاتم بفتح التاء وكسرها حلقة ذات فص من غيرها وختمت على الكتاب بمعنى طبعت. عبد الله بن مسعود كي عبد الله بن مسعود ابن غافل ابن حبيب الهذلي كي un éminent compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi les premiers, et il fait partie des grands savants parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont côtoyé de très près l'envoyé d'Allah alayhi salam. Il est décédé en l'an 32 de l'Hégire. Et dans la parole de Abdullah ibn Mas'ud, celui qui veut voir al-wasiyya, le testament, ici, Cheikh Fawzan dit, c'est-à-dire l'ordre appuyé et avéré. Al-Khatam, ici le sceau, on peut le prononcer Khatam, bifathita wa kasriha, ou Khatim. C'est un sceau, un cachet, un tampon. Il dit, c'est une bague, zatu fassin min ghayriha. C'est une bague qui a une tête. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait son sceau, sa bague, sur laquelle il y avait marqué dessus, Muhammadun Rasulullah. Et khatamtu ala al-kitab, lorsque tu dis khatamtu ala al-kitab, c'est-à-dire j'ai tamponné et j'ai apposé mon sceau sur ce livre. Al-ma'na al-ijmali lil-athar. Wa qablahu, et donc l'athar d'Abdullah ibn Mas'ud est rapporté par l'imam al-Tirmidhi rahimahullah, par l'imam al-Tabarani. Et c'est un athar qui est jugé bon par Cheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i rahimahullah ta'ala. Et il y a un autre hadith de Abdullah ibn Mas'ud qui est authentique, apporté par Al-Hakim et l'imam Ahmed ainsi que l'imam Nuhibban, dans lequel Abdullah ibn Mas'ud dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam khattalana Rasulullah khattan thumma khatta an yaminihi wa shimalihi khututa thumma qala hadha sabilullah wa hadhihi subul ala kulli sabil minha shaytan yad'u ilayha wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uh wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilih. Donc ici c'est une annotation de Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah, où il cite pour compléter ce athar d'Abdullah ibn Mas'ud le hadith, cette fois-ci de Abdullah ibn Mas'ud, dans lequel il informe que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, un jour, a tracé un trait sur le sol, puis à droite et à gauche de ce trait, il a tracé, sallallahu alayhi wa sallam, de petits traits, puis il a dit, voilà le chemin d'Allah, en parlant du long trait droit, et voici les autres chemins, c'est-à-dire en parlant des traits qui étaient à droite et à gauche, à la tête de chacun de ces chemins, il y a un diable qui y appelle. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lu la parole d'Allah azza wa jal, et voilà mon chemin droit, suivez-le et ne suivez pas les autres chemins, car ils vous disperseront et vous sépareront de sa voie, c'est-à-dire de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ma'na al-ijmali lil-athar, le sens général du athar de Abdullah ibn Mas'ud. يذكر ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو وصى لم يوص إلا بما وصى به الله تعالى، فإن الله قد وصى بما في هذه الآيات، لأنه سبحانه قد ختم كل آية منها بقوله ذلكم وصاكم به. وإنما قال ابن مسعود ذلك لما قال ابن عباس رضي الله عنهما إن الرزية كل الرزية ما حال بيننا وبين أن يكتب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيته. فذكرهم ابن مسعود رضي الله عنه أن عندهم من القرآن ما يكفيهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو وصى لم يوصي إلا بما في كتاب الله. Le sens général du hadith d'Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu an, cite que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'il avait fait un testament, s'il avait écrit ou s'il avait donné des recommandations, il n'aurait recommandé que ce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, a recommandé dans les versets 151 et 152 de Sourate Al-An'am. Car Allah Azza wa Jal a conclu ces versets, chacun de ces versets, par sa parole, ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ. Voilà ce qu'il vous recommande, voilà ce qu'il vous enjoint. Dans le premier verset, Allah Azza wa Jal a dit, ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Dans le deuxième, ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Et dans le dernier, ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ. Et les savants disent que ces trois recommandations, dans la première, Allah Azza wa Jalla a parlé du raisonnement. Et dans le deuxième, du rappel. Et dans le troisième, de la crainte. Et ainsi, ce sont les étapes qui sont utilisées et par lesquelles passe le musulman qui est doué d'intelligence. Tout d'abord, il raisonne. Puis, il se rappelle. Et ensuite, il craint Allah Azza wa Jal, et la crainte d'Allah, comme vous le savez tous, c'est de placer entre soi et le châtiment d'Allah ce qui nous en protège en faisant des bonnes actions et en s'abstenant des mauvaises. Et Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit ces paroles lorsque Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, un autre parmi les éminents compagnon du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Lorsque Abdullah ibn Mas'ud a dit, le malheur, tout le malheur serait présent s'il y avait un obstacle entre nous et entre une recommandation que nous donnerait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Abdullah ibn Mas'ud a fait un rappel aux compagnons radiyallahu anhum en leur disant que ce qu'ils avaient dans le livre d'Allah Azza wa Jal leur était amplement suffisant comme recommandation. Car si recommandation il y avait du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'aurait recommandé que ce qu'il y a dans le livre d'Allah. مناسبة هذا الأثر للباب بيان أن ما ذكر في هذه الآيات بيان أن في أن ما ذكر في هذه الآيات كما هو وصية الله فهو وصية رسوله صلى الله عليه وسلم لأن الرسول يوصي بما أوصى الله به. Pourquoi ce hasard a été cité dans ce chapitre? Pour montrer que ce qui a été cité comme recommandation dans ce verset, de la même façon que c'est la recommandation d'Allah, c'est également la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne recommande que ce qu'Allah azza wa jalla recommande. Ma yustafadu min qawli ibn Mas'udin radiyallahu anhu. Awalan, ahammiyatu hadhihi al-wasaya al-ashr. Ce que l'on retient de la parole de Abdullah ibn Mas'ud. Premièrement, l'importance de ces 10 conseils et de ces 10 recommandations. Thaniyan, anna Rasul sallallahu alayhi wa sallam yusi bima awsallahu bih, fa kullu wasiyatin fahiya wasiyatun li rasulihi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Deuxièmement, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam recommande et ordonne ce qu'Allah recommande et ordonne. ثالثا عمق علم الصحابة ودقة فهمهم لكتاب الله. Troisièmement, la science profonde des compagnons radiallahu anhum et leur précision minutieuse dans leur compréhension du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. ثم قال المؤلف رحمه الله وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا أخرجاه في الصحيحين. الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله دي et selon Mu'ad ibn Jabal رضي الله عنه il dit j'étais assis derrière le prophète صلى الله عليه وسلم sur un âne. Et il m'a dit, ô Mu'ad, sais-tu quel est le droit d'Allah envers ses serviteurs et quel est le droit des serviteurs envers Allah? Il a dit, c'est-à-dire Mu'ad ibn Jabal, Allah et son envoyé sont les plus savants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, le droit d'Allah envers ses serviteurs, c'est qu'il l'adore sans ne rien lui associer. Et les droits des serviteurs envers Allah est qu'il ne châtie pas celui qui ne lui aura rien associé. J'ai dit, ô envoyé d'Allah, dois-je annoncer cette bonne nouvelle aux gens? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne leur annonce pas cette bonne nouvelle, car ils, c'est-à-dire ils se laisseraient aller. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. قال الشيخ الفوزان حفظه الله معاذ هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن كعب بن عمرو الخزرجي الأنصاري صحابي جليل مشهور من أعيان الصحابة وكان متبحرا في العلم والأحكام والقرآن شهد غزوة بدر وما بعدها واستخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على أهل مكة يوم الفتح يعلمهم دينهم ثم بعثه إلى اليمن قاضيا ومعلما مات بالشام سنة 18 وله 38 عاما. الرديف هو الذي تحمله خلفك على ظهر الدابة أتدري هل تعرف حق الله ما يستحقه ويجعله متحتما على العباد حق العباد على الله ما كتبه على نفسه تفضلا منه وإحسانا أبشر الناس أخبرهم بذلك ليسروا به يتكل يعتمد على ذلك فيترك التنافس في الأعمال الصالحة معاد كي معاد ابن جبل ابن عمرو ابن أوس ابن كعب ابن عمرو الخزرجي الأنصاري كي un éminent compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam est réputé. Il avait une immense science dans les jugements et dans le Coran. Il a participé à la bataille de Badr et aux batailles qui l'ont suivi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné l'autorité sur les gens de la Mecque l'année de la victoire, Yawm al-Fath, pour leur enseigner leur religion. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a envoyé au Yémen afin qu'il y soit là-bas juge et enseignant. Et il est mort, radiyallahu anhu, dans la région du Shem, l'année 18 de l'Hégire, alors qu'il avait 38 ans. Radiyallahu ta'ala an. Mu'ad ibn Jabal malgré le grand mérite qu'il avait radiyallahu an n'est mort qu'à l'âge de 38 ans radiyallahu an. Radif c'est-à-dire al-radif en arabe c'est celui que tu fais monter derrière toi sur une monture. Atadri c'est-à-dire sais-tu Haqqullah, le droit d'Allah, c'est-à-dire ce qu'Allah mérite, ce qui revient à Allah et ce qui est obligatoire pour les serviteurs. Et le droit des serviteurs envers Allah, c'est ce qu'Allah Azzawajal s'est prescrit à lui-même, ceci en guise de bienfaisance. C'est ce qu'Allah Azzawajal s'est ordonné à lui-même, à savoir de ne pas châtier celui qui ne lui associe rien. Ubashiru an-nas, dois-je informer, annoncer cette bonne nouvelle aux gens, c'est-à-dire, dois-je leur informer de cela afin qu'ils s'en réjouissent. Yattakilu, et lorsque le professeur Sam lui a dit non, ne leur annonce pas cette bonne nouvelle. Sinon, yattakilu, c'est-à-dire qu'ils se reposeraient sur cela, sur cette bonne nouvelle, et qu'ils délaisseraient ensuite la concurrence entre eux dans les bonnes actions. Car s'ils savaient que Allah Azzawajal ne châtie pas celui qui ne lui associe rien, et bien cela va amener les gens à lâcher prise et à, entre guillemets, dormir sur leur laurier. Et à délaisser toute concurrence dans les bonnes œuvres. المعنى الإجمالي للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين وجوب التوحيد على العباد وفضله فألقى ذلك بصيغة الاستفهام ليكون أوقع في النفس وأبلغ في فهم المتعلم فلما بين صلى الله عليه وسلم لمعاد فضل التوحيد استأذنه معاد أن يخبر بذلك الناس ليستبشروا فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك خوفا من أن يعتمد الناس على ذلك فيقللوا من الأعمال الصالحة. Le sens général de ce hadith. Le prophète صلى الله عليه وسلم a voulu montrer l'obligation du tawhid. L'obligation du tawhid, une obligation qui incombe aux serviteurs, et de montrer également le mérite de cette tawhid. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu montrer cela à travers une question, à travers une interrogation, pour que cela soit plus imprégné dans l'esprit de la personne et pour que cet élève retienne mieux l'information qui va lui être transmise. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré à Mu'ad le mérite du tawhid, Mu'ad radiallahu anhu a demandé la permission au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'en informer les gens afin qu'ils s'en réjouissent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a interdit de le faire de peur que les gens ne se reposent sur cette parole et sur cette information et de ce fait qu'ils diminuent leurs œuvres vertueuses et pieuses. Munasabatul hadith ilil bab. Le contexte de ce hadith dans ce chapitre. Anna fihi tafsir at-tawhid بأنه عبادة الله وحده لا شريك له. Pourquoi ce hadith a été cité dans ce chapitre? Car il y a dans ce hadith l'explication du tawhid qui est d'adorer Allah seul et ne rien lui associer. ما يستفاد من الحديث؟ Ce que l'on retient du hadith. أولا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث ركب الحمار وأردف عليه خلاف ما عليه أهل الكبر. Premièrement, on retient de ce hadith la modestie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a monté un âne et a fait monter derrière lui quelqu'un. Ceci, contrairement aux gens contrairement aux orgueilleux qui eux en aucun cas ne montraient un âne. Donc déjà le fait de monter un âne, cela prouve la modestie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais de faire monter en plus quelqu'un derrière, cela montre encore plus la modestie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Thaniyan, جواز الإرداف على الدابة إن كانت تطيق ذلك. Deuxièmement, on retient de ce hadith l'autorisation de faire monter quelqu'un derrière nous sur une monture lorsque cette monture supporte cette charge. Lorsque cette monture supporte cette charge. Car en général, combien de personnes montent sur un âne? Une en général. Une. Un âne, ce n'est pas un cheval. Il a moins de force, etc. Donc, en général, c'est une, mais ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait monter Mu'ad qui était encore jeune homme, qui était encore jeune, et ainsi les savants ont déduit de cela l'autorisation de faire monter quelqu'un dans une monture, derrière soi sur une monture, à condition bien sûr que la monture supporte cette charge. ثالثاً التعليم بطريقة السؤال والجواب. Troisièmement, on retient de ce hadith l'enseignement à travers les questions et réponses. Car le professeur Hassan m'a dit à Mu'ad, sais-tu quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs? Ainsi, le professeur Hassan a enseigné le tawhid à Mu'ad ibn Jabal en utilisant la méthode de la question et de la réponse. Rabi'an, anna man su'ila amma la ya'lam, yanbaghi lahu an yaqul Allahu a'lam. On retient également de ce hadith que celui qui est questionné sur une chose dont il n'a pas de science, qu'il doit dire Allahu a'lam. Allah est le plus savant. Et concernant la réponse de Mu'ad ibn Jabal, il a dit Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah et son envoyé sont les plus savants. Et si les savants disent que tu as le droit de dire Allahu wa rasuluhu a'lam lorsqu'il s'agit de choses en rapport avec la religion. Et lorsque tu es questionné à fois sur d'autres sujets, eh bien tu dois dire Allahu a'lam. Khamisan, ma'rifatu haqqillahi 'ala al-'ibad wa huwa an ya'buduhu wahdahu la sharika lah. Cinquièmement, on retient de ce hadith la connaissance du droit d'Allah envers ses serviteurs. Quel est le droit d'Allah envers ses serviteurs? C'est que ses serviteurs doivent l'adorer seul, sans ne rien lui associer. Sadisan, أن من لم يجتنب الشرك لم يكن آتيا بعبادة الله حقيقة ولو عبده في الصورة. Sixièmement, que celui qui ne délaisse pas le shirk n'a pas adoré Allah comme il se doit, même si en apparence il adore Allah Azza wa Jal. Même si en apparence il adore Allah Azza wa Jal, et on a vu cela à plusieurs reprises, que celui qui fait le shirk, ses actes ne sont pas acceptés, ses actes sont abolis et vains. Sabi'an, fadlu at-tawhid wa fadlu man tamassaka bih. Septièmement, on en retient le mérite du tawhid et le mérite de celui qui s'y accroche. Et le mérite du tawhid, c'est qu'Allah Azza wa Jal ne châtie pas celui qui le met en pratique. Thaminan, tafsir at-tawhid wa annahu ibadatu Allah wahdahu wa tarku ash-shirk. Huitièmement, on retient de ce hadith l'explication du tawhid, qui est d'adorer Allah seul et de délaisser le polythéisme. Tasi'an, istihbabu bisharatil muslimi bima yasurru. Neuvièmement, qu'il est recommandé d'annoncer des bonnes nouvelles aux musulmans, des bonnes nouvelles qui le réjouissent. Ashiran, jawazu kitmanil ilmi lil maslahah. Dixièmement, l'autorisation de cacher une science lorsqu'il y a derrière cela un bénéfice. Lorsqu'il y a derrière cela un bénéfice. Ihda ashar, ta'addubu al-muta'allimi ma'a mu'allimih. Onzièmement, on retient de ce hadith également le bon comportement que doit avoir l'élève envers son professeur. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. في الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله cite le chapitre du mérite du tawhid et de ce qu'il pardonne, que le mérite du tawhid est le fait que le tawhid pardonne et expie les péchés. وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Et la parole d'Allah Azza wa Jal, ceux qui ont cru et n'ont point troublé la pureté de leur foi par quelconque injustice, ceux-là ont la sécurité et ce sont eux les bien guidés. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد لما بين في الباب الأول وجوب التوحيد ومعناه بين في هذا الباب فضل التوحيد وآثاره الحميدة ونتائجه الجميلة التي منها تكفير الذنوب لأجل الحث عليه والترغيب فيه باب هو لغة المدخل واصطلاحا اسم لجملة من العلم تحته فصول ومسائل غالبة يكفر التكفير في اللغة الستر والتغطية وشرعا محو الذنب حتى يصير بمنزلة المعدوم من الذنوب من بيانية وليست للتبعيض والذنوب جمع ذنب وهو ما تقبح عاقبته آمنوا صدقوا بقلوبهم ونطقوا بألسنتهم وعملوا بجوارحهم ورأس ذلك التوحيد يلبسوا إيمانهم يخلطوا توحيدهم بظلم بشرك والظلم وضع الشيء في غير موضعه سمي الشرك ظلما لأنه وضع للعبادة في غير موضعها وصرف لها لغير مستحقها الأمن طمأنينة النفس وزوال الخوف مهتدون أي موفقون للسير على الصراط المستقيم ثابتون عليه. Babun. Lorsque l'imam Mohamed ibn Abdel Wahhab a dit Babun, c'est-à-dire le chapitre. Et le Bab, dans la langue arabe, c'est-à-dire l'entrée. Et dans la religion, c'est le nom d'une phrase dans la science dont découlent des sections et des poids, des sujets. Yukeffiru. L'expiation, le chapitre du mérite du tawhid et ce qui est de et qui expie les péchés. At-takfiru, dans la langue arabe, c'est-à-dire de cacher et de recouvrir. Et lorsque l'on dit yukeffiru en islam, c'est d'effacer le péché, expier le péché, jusqu'à ce qu'il devienne néant. Donc lorsque l'on dit takfir ou zunoub, pardonner les péchés, expier les péchés, cela veut dire de l'effacer jusqu'à ce qu'il n'existe plus. Min az-zunub, min ici, ce n'est pas min dans le sens une partie. Wa ma yukaffiru min az-zunub, car le pronom min en arabe a plusieurs significations. Parmi ces significations, il y a min. At-tab'idiyya, en parlant d'une partie. Est-ce qu'ici, lorsque le mu'allif a dit chapitre du mérite du tawhid et de ce qu'il expie comme péché. Ici, et de ce qu'il expie comme une partie des péchés, est-ce qu'ici il expie une partie des péchés ou est-ce qu'il expie tous les péchés? Tous les péchés. Car ici, comme l'a dit Cheikh Fawzan, c'est pour le min ici a le sens de montrer que le tawhid expie les péchés et non pas qu'il expie une partie des péchés. Et az-zunub, c'est le pluriel de zamb, c'est-à-dire des actes dont les conséquences sont néfastes. Les péchés, ce sont les actes dont les conséquences sont néfastes. Amanu, parce qu'Allah Azza wa Jalla a dit, Alladhina amanu, ceux qui ont cru, c'est-à-dire qui ont considéré vrai ce qui leur est parvenu avec leur cœur. Ils l'ont prononcé avec leur langue, ils l'ont mis en pratique avec les membres de leur corps, et à la tête de cela le tawhid. Yalbisu imanahum, ceux qui ont cru et n'ont point troublé la pureté de leur foi. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas mélangé leur tawhid à autre chose. Leur tawhid est pur. Ils ne l'ont pas mélangé à quoi ? Bizulmin, à une quelconque injustice. Et si l'injustice qui est voulue dans ce verset, c'est le shirk. C'est le shirk. Ceux qui ont cru et n'ont pas mélangé leur tawhid avec du shirk. Pourquoi le shirk a été appelé injustice ? Car l'injustice, c'est de placer une chose dans l'endroit qui n'est pas la sienne. Et le shirk a été appelé injustice, car le shirk c'est de placer l'adoration dans un endroit qui n'est pas la sienne, et de vouer cette adoration à celui qui ne la mérite pas. Al-amnu, la sécurité, tuma'ninatun nafs wa zawalul khawf, c'est-à-dire la quiétude de l'âme et la dissipation de la peur. Ceux qui ont cru et qui n'ont pas mélangé à leur tawhid du shirk, Allah Azza wa Jalla a dit ulaika lahumul amn, à eux la sécurité. Ce sont eux qui sont véritablement en sécurité, c'est-à-dire ce sont eux qui ont l'âme et l'esprit tranquille, l'esprit serein et qui n'ont aucune peur. À eux la sûreté, et ce sont eux les bien guidés. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ, c'est-à-dire ceux qu'Allah Azza wa Jalla a permis de prendre et de suivre le chemin droit et de rester ferme dans celui-ci. المعنى الإجمالي للآية يخبر سبحانه أن الذين أخلصوا العبادة لله وحده ولم يخلطوا توحيدهم بشرك هم الآمنون من المخاوف والمكاره يوم القيامة المهتدون للسير على الصراط المستقيم في الدنيا. Le sens général de ce verset. Allah Azza wa Jalla nous informe dans ce verset, qui est le verset 82 de Sourate Al-An'am, les bestiaux. Allah Azza wa Jalla nous informe dans ce verset que ceux qui sont sincères dans leur adoration à Allah Azza wa Jalla seul, et qui n'ont pas mélangé leur tawhid avec du shirk, ce sont eux qui sont en sûreté, qui sont préservés des choses qui font peur et des choses détestables, des choses qui effraient et des choses détestables le jour dernier, le jour du jugement. Et ce sont eux les bien guidés, ceux qui ont emprunté le chemin droit dans cette vie d'ici-bas. Ainsi Allah Azza wa Jalla leur donne deux récompenses. La première, dans l'au-delà, ils seront à l'abri, ils seront sereins et n'auront pas peur de quelconque châtiment ou de quelconque épreuve. Et Allah Azza wa Jalla les récompense dans cette vie d'ici-bas en leur permettant d'être sur le droit chemin, le seul qui emmène au paradis. مناسبة الآية للباب أنها دلت على فضل التوحيد وتكفيره للذنوب. Pourquoi ce verset a été cité dans ce chapitre? Car ce verset montre les mérites du tawhid et montre également que le tawhid expie les péchés et efface les péchés. ما يستفاد من الآية؟ أولا فضل التوحيد وثمرته في الدنيا والآخرة. Ce qu'on retient de ce verset, premièrement, le mérite du tawhid et ses fruits dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Comme on l'a vu, dans cette vie d'ici-bas en suivant le droit chemin et dans la vie de l'au-delà en étant à l'abri de toute chose effrayante et de toute chose détestable. ثانياً أن الشرك ظلم مبطل للإيمان بالله إن كان أكبر أو منقص له إن كان أصغر. Deuxièmement, le retient de ce verset que le shirk est une injustice qui annule la foi en Allah si c'est un grand polythéisme ou qui diminue cette foi si c'est un petit polythéisme. ثالثا أن الشرك لا يغفر. Troisièmement, le retient de ce verset que le shirk n'est pas pardonné. Que celui qui meurt dans cet état, Allah Azza wa Jal ne lui pardonnera pas. رابعا أن الشرك يسبب الخوف في الدنيا والآخرة. Quatrièmement, que le polythéisme est la cause de la peur dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Apporte la peur dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. On a fait bien le qad. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.